بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على شرف المرسلين، سيد الأولين والأخيرين، سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ، احضري لنا بيض المحضر والتطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je salue tout le monde, tous les membres de ce groupe, par leur nom et par leur station, leur apportant et leur accordant à chacun les salutations qui leur reviennent. Quant à moi, je suis Ibrahim Abdallah, Ibrahim Abdallah Dubois pour ceux qui veulent souligner mon origine française, disciple de Cheikh Ibrahim Abdallah Issa, radiallahu anhu. Il m'a recueilli et m'a donné jusqu'à son propre nom, son nom et le nom de son père. Ibrahim Abdallah, c'est comme ça qu'il m'a nommé et c'est comme ça que donc je me présente à vous. J'ai été sollicité par des frères afin de pouvoir faire une intervention. Cette sollicitation ne provient que de la bonne impression qu'ils ont eue en moi. Ainsi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Khoslatani laysa fawqahuma shay'un min al-khiyari, husnudhani billahi wa husnudhani bi'ibadillah. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Qu'il y a deux vertus qui ne sont dépassées en rien en termes de bien, et c'est خصنا بالله وخصنا بعباد الله, c'est la bonne impression en Dieu et la bonne impression dans les serviteurs de Dieu, et deux travers, deux vices qui ne sont dépassés en rien en termes de mal, et c'est justement la mauvaise impression en Dieu et la mauvaise impression dans les serviteurs de Dieu. Ce n'est donc qu'en se basant sur la bonne impression qu'ils ont eue en moi, que certains frères m'ont sollicité. Pour répondre à cette sollicitation, je me suis proposé d'ouvrir ensemble le livre béni et lumineux de Maulana Cheikh Al-Hassan Dem radiallahu anhu, lui, immense maître de l'islam, de la tariqa et de la faïda, ce livre qui est Nurul Kamali fi Mashhadi Rijal. Un certain nombre d'entre vous doivent certainement déjà connaître parfaitement ce livre et savent donc qu'il est composé d'un certain nombre de chapitres, d'épîtres, de lettres. Je me propose d'ouvrir le second de ces épîtres. Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce second, Cheikh Hassan Dem radiallahu anhu écrit: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mutajalli bidatihi wahdahu fi ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu ala dhili zuhuri wa shajarati al-kawni sayyidina Muhammadin. مظهر عظمة الله وكبريائه وعلى آله الطيبين وأصحاب الكرام الكاملين وسلم تسليما. Cheikh Hassan Dem radiallahu anhu commence par le nom d'Allah, par l'énoncé de la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah dont la miséricorde s'étend à tous en ce monde, ar-Rahman, et à ceux qu'il choisit dans l'autre, ar-Rahim. الحمد لله المتجلي بذاته وحده لوانج الله المتجلي بذاته وحده qui s'est manifesté par son être unique, fi ahadiyatihi, dans son unité. Wassalatu wassalamu ala zili zuhuri, et que prière et paix ala zili zuhuri soit sur l'ombre des apparitions. Wa shajaratil kawni, l'arbre de l'existence. Sayyidina Muhammadin, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muzhiri azamatillahi, lui qui est l'apparition de l'immensité d'Allah et de sa sublime grandeur. Que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, wa ala alihi at-tayyibin, ainsi que sur sa famille, ses êtres purifiés, wa ashabihi al-kirami, ainsi que sur ses nobles compagnons, al-kamilin, à eux ses êtres réalisés, wa sallama tasliman, que les prières d'Allah soient sur lui et sur eux, ainsi que les wa sallama tasliman, ainsi que les plus parfaites et complètes des salutations de paix. Cheikh Hassan Dem écrit « Wa fi laylatil ahad » que durant la nuit de dimanche, « Laylati sab'a wa ashirina yawman madat min ramadan » la nuit du 27e jour du mois béni de Ramadan, « Takallama shaykhun nafi'u takallama » le maître a parlé. الشيخ النافع لوي لو ماître دو توت اوتيليتي والعلم الجامع لوي لو ماître توتاليزاتور دو سيونس والنور الساطع لوي سو ماître دو لوميير اتنسلانت مولانا لوي نوتر ماître وشيخنا لوي نوتر شيخ الحاج ابراهيم ابن الحاج عبد الله انياس لوي الحاج ابراهيم شيخ الاسلام الحاج ابراهيم فيز ده الحاج عبد الله انياس فيز ده الحاج عبد الله انياس حفظه الله ورعاه كلال بريزيرف car ceci a été écrit donc le livre entier de Nurul Kamal du vivant même de Shah al-Islam Shah Hassan Dem prie pour que Allah le garde le renforce amin wa yursilu ashabihi lui ce maître qui fait yursilu ashabihi lal ulumi wal ma'arifi lui ce maître qui mène ses compagnons vers les sciences et les connaissances. Et qui les fait progresser, qui fait progresser ses compagnons. Il a manazil al-awliyahi, faire les degrés des saints. Et les stations des arifin, les connaissants, les stations des connaissants en leur Seigneur. Lui donc, Maulana wa Shaykhina al-Hajj Ibrahim. Nias radiallahu anhu écrit ou a dit ce jour-là les tariqati thalathatu shurutin fi dukhuli wa thalathatu shurut fi l'intifa'i que dans la tariqa Bay donc Shah Sandem radiallahu anhu nous rapporte que Bay a dit que dans la tariqa il y a trois chartes qui font rentrer dans la voie les tariqati thalathatu shurutin fi dukhuli il y a trois chartes pour y rentrer. Et il y a trois chartes qui font bénéficier pleinement des bienfaits de la tariqa. Les trois chartes, Shah Sandem ne les rappelle pas, mais chacun les connaît, les trois chartes qui font rentrer dans la tariqa, ce sont ces trois chartes que le Muqaddam répète à tous ceux qui prennent le verd au moment où ils prennent le verd, à savoir, quand on prend le verd de la tariqa Tijaniya, on ne l'abandonne plus jamais, on ne le peut pas le mélanger avec le verd d'une autre voie et on ne peut pas aller faire la ziyara à un maître d'une autre voie dans le but spécifié qui est mentionné à celui qui prend le verd. Mais il y a trois chartes qui font pleinement bénéficier des bienfaits de la tariqa. Et cela sont le fait d'avoir une bonne impression en Dieu. D'être en permanence dans la contemplation des bienfaits d'Allah Ta'ala. Wa tafwilul umur ila Allah et enfin de s'en remettre pleinement et totalement entre les mains d'Allah. Wa qultu mustamidan min hadrat al-khatm al-tijani et je dis quant à moi Cheikh Al-Hassan Dem, je dis en me cramponnant à l'enceinte de Khatm al-Wilay à Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, min madadihi en allant puiser à son influx, al-sari al-basit al-mustawi ala al-awalimi rububiyati ar-Rahman, et en puisant à l'océan de connaissance de Cheikh Ahmed Tijani, cet océan qui se déploie et duquel se déploie qui se déploie dans tous les univers, dans la seigneurie de l'infiniment miséricordieux. À l'image des hadiths des Sahaba, qui disent, j'ai entendu le messager d'Allah, et il dit ceci. Charles Hassan Dem vient nous prendre la parole aujourd'hui en nous disant que j'ai, moi, la nuit de dimanche du 27e jour, du mois béni de Ramadan, j'ai entendu Shah al-Islam dire quelque chose. Shah al-Islam a dit qu'il y a trois chars qui font rentrer dans la tariqa et trois chars qui font pleinement bénéficier des bienfaits de la tariqa. Et moi, voilà ce que j'en ai entendu. Voilà moi ce que j'ai compris de cela. Ces trois chars qui font pleinement bénéficier des bienfaits de la tariqa, selon Baï, c'est le fait d'avoir une bonne impression en Dieu, le fait d'être dans la contemplation des bienfaits d'Allah Ta'ala et de s'en remettre pleinement entre les mains d'Allah. Cheikh Al-Hassan Dem radiallahu anhu dit en ce qui concerne la clé de la bonne impression en Dieu, c'est que tu témoigne que tu contemples dans une parfaite connaissance d'Allah. Biquwwati nuril iman il kamili. Et cela de par la force de la lumière de la foi parfaite, fibisati tajalil ilahi, dans le déploiement de des manifestations divines, bi anallaha, que tu contemples donc et que tu attestes que Allah, fibisati sifati rahmatihi, dans le déploiement de l'attribut de sa miséricorde, Rahman, il est l'infiniment miséricordieux. Wa fi sifati lutfihi latifun, et que dans le déploiement de son attribut de douceur, latifun, il est lui l'infiniment doux. Wa fi sifati karamihi, et qu'il est lui Allah dans le déploiement de son attribut de noblesse, karimun, lui l'infiniment noble. Wa fi sifati jurihi, et qu'il est lui Allah dans le déploiement de sa générosité, dans le déploiement de son attribut de générosité, jawadun, lui le généreux. Wa fi sifati minnatihi, et dans le déploiement de son attribut de bienfaisance, qu'il est lui hananun mananun, compatissant et bienveillant bienfaiteur. Wa ala hada la tashhadu ila jamaluhu, et en cela tu ne témoigneras et tu ne contempleras alors plus ila jamaluhu, que sa beauté. Fibisati lutfihi wa rahmatihi, dans le déploiement de sa douceur et de sa miséricorde. Fayaghdhifullahu fi qalbika nur dhalika al-jamali. Alors, Allah projettera alors fi qalbika, dans ton cœur, nur dhalika al-jamali, la lumière de cette beauté. Wa yaquduka dhalika nur al-jamali ila husnul dhani billahi. Et cette lumière de beauté, dhalika nurul jamali, wa yaquduka ila husnul dhani billahi, elle te conduira jusqu'à la bonne impression en Dieu. Wa shuhuril hasani fi kulli shay'in, et tu contempleras alors le beau, al hasani fi kulli shay'in, en toute chose. Wa inda dhalika, et à ce degré, à ce stade, la yazharu wa yalma'u min sama'i qalbika ila shamsi mahasinihi ta'ala wa lutfihi wa rahmatihi wa judihi wa karamihi. À ce stade alors, il n'apparaîtra plus. Wa yalma'u min sama'i qalbika, il ne viendra plus poindre dans le ciel de ton cœur, ila shamsi mahasinihi ta'ala, que le soleil de ses beautés à lui ta'ala. Wa lutfihi, le soleil de ses beautés, de sa douceur. Wa rahmatihi, de sa miséricorde. Wa judihi, de sa générosité. Wa karamihi, de sa noblesse. Wa yasri fi qalbika quwwatun nuri ar-radiahi. Alors progressera dans ton cœur la quwwatun nuri ar-radiahi, la puissance de la lumière de l'espoir. Alladhi manshahu min husni dhani billahi. Cette lumière de l'espoir, la puissance de la lumière de l'espoir. Alladhi manshahu, qui s'origine directement min husni dhani billahi, à partir de la bonne impression en Dieu. Wa yahmiluka hadha al-'ilm al-'azim ila husni dhani bi'ibadillah. Et c'est cette connaissance immense qui te portera jusqu'à la bonne impression dans les serviteurs de Dieu. Wa shuhuri al-mahasinihi, qui te mènera à contempler les beautés dans l'ensemble des créatures d'Allah, quelles qu'elles soient. On viendra alors établir auprès de toi al-hajaru wal-jawharu, aussi bien la pierre que le diamant, pour te faire rentrer dans l'enceinte de la beauté, dans l'enceinte de l'excellence, dans l'enceinte de la beauté. Jusqu'à ce que tu puisses acquérir de l'influx, min al-hajar wal-madar wa-shajar, aussi bien de la pierre wal-madar que de la boue, wa-shajar que du bois. On voit que Sheikh Al-Hassan Daim radiallahu anhu, il mentionne ici al-hajar wal-jawharu, la pierre et le diamant. On sait que le diamant, c'est une pierre, hajarum, mais pas comme les autres pierres. C'est une pierre qu'on appelle précieuse, parce que c'est une pierre qui est d'une autre nature et d'une autre spécificité. Ceci nous renvoie à la parole de Imam Busayr, cette parole parmi les plus connues: Muhammadun Basharun wala kal Bashar, bal huwa kal yaqut bayna al hajar. Que Muhammad Basharun la kal Bashar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain, mais pas comme les êtres humains. Bal huwa kal yaqut bayna al hajar, mais lui, il est plutôt comme un diamant au milieu des pierres. Le diamant est une pierre, mais pas comme les autres pierres. Shah al-Islam, radiallahu anhu, lui-même, il reprend cette image à plusieurs reprises et de différentes manières, en disant notamment Muhammadun Basharun laysa kal bashari, que Muhammad est un être humain, mais certainement pas comme les autres êtres humains. Laysa kal bashari, sirfu haqiqi wa rabbi Taha samahu, lui, sa réalité est pure et son Seigneur l'a nommé Taha. Il dit également dans le Diwan de Ikhtiyar al-Sa'adat: Tadhakkartu man huwa lil wara kullihim qutu huma hajarun wal mustafa al qarmu yaqutu. Il dit également que Tadhakkartu man huwa lil wara kullihim qutu. Je me suis souvenu, je me suis rappelé de celui qui lil wara kullihim qutu, de celui qui pour tous les êtres est source et la subsistance même. Huma hajarun, ils sont eux tous, tous les êtres. Huma hajarun, ils sont des pierres. Quand l'élu, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, yaqutu, est un diamant. Ainsi, au degré de la bonne impression en Dieu qui va t'amener et qui est élevé à la bonne impression dans les serviteurs de Dieu, Shah Samnem radiallahu anhu nous dit: wa yastawi indaka al-hajar, qu'on viendra alors placer auprès de toi aussi bien la pierre que le diamant, et afin de te faire pénétrer dans l'enceinte de Al-Ihsan, c'est-à-dire dans l'enceinte de la Ma'rifa, dans l'enceinte de toutes les beautés et de la contemplation de la beauté d'Allah. Puis il mentionne que tu peux alors tirer ton influx aussi bien de la pierre que de la boue que du bois. On voit que donc Shah Hassan mentionne ces trois autres éléments: la pierre, la boue et le bois, qui contrairement au diamant sont des éléments opaques et opacifiants, quand le diamant, lui, est un élément qui laisse filtrer la lumière. Kalam d'un entendement éclairé. Shah Samdem radiallahu continue en disant: Wa inda istiqrari hadha al-ilm an-nafis fi bisati jawfika wa tulu'i shamsihi min samai qalbika wa hadha al-ilm an-nafis. Alors cette connaissance an-nafis, alors cette connaissance précieuse, istiqrari, va venir s'enraciner fibisati jawfika, dans le déploiement de ton ciel, wa tulu'i shamsi min samai qalbika, et viendra alors poindre son soleil, le soleil de cette connaissance précieuse, min samai qalbika, dans le ciel de ton cœur. Wa tara ma afada Allahu alayka, tu verras alors ce qu'Allah a fait abonder vers toi. Wa asrahu fika, et ce qu'il a placé en toi. Wa fi jami'i khalqihi, ainsi que dans l'ensemble de ses créatures. Zahiran wa batinan, hisan wa ma'nan, min ni'amihi wa ala'ihi, aussi bien d'une manière zahir que d'une manière batin, hisan wa ma'nan, aussi bien d'une manière subtile, d'une manière sensible, wa ma'nan, que d'une manière subtile. Min ni'amihi wa ala'ihi, aussi bien d'une manière matérielle qu'immatérielle, tout cela min ni'amihi, en provenance de sa bienfaisance, wa ala'ihi, et en tout cela en provenance de sa grâce et de sa bienfaisance. Wa min huna yudihu min afaqi sadrika li tulu'i shamsi al-ma'rifi min samai qalbika nurul yaqin wa fahmul munir. Wa min huna, dès lors, yudihu min afaqi sadrika, dès lors viendra éclater, viendra éclairer, yudihu min afaqi sadrika, des horizons de ta poitrine, li tulu'i shamsi al-ma'rifi, viendra alors éclairer et luire le soleil des connaissances, shamsi al-ma'rifi, min samai qalbika, depuis le ciel de ton cœur, et viendra éclairer nurul yaqin, viendra luire la lumière de la certitude, wal fahmul munir, et d'un entendement éclairé. Fatashhadu hina idhin. Fatashhadu hina idhin. Tu contempleras alors, ensuite, minnatihi ta'ala alayka, sa grâce envers toi, sa grâce à lui ta'ala envers toi. Likaunihi ta'ala, et cela pour son être à lui ta'ala. Khalaqaka min ashrafi suri, qu'il t'a créé à partir de l'image la plus noble. Wa akmalil ajnasi, dans le genre le plus parfait. Mahala khitabihi, a fait de toi le lieu même de son discours. Wa takallafihi wa risalatihi, le lieu même de sa parole, de son dépôt et de son message. Wa fil hadithi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi wa qadhafuhu fi bahrihi. Allah a créé Adam à son image et l'a projeté dans son océan. وتشهد ما أفاد عليك من العلوم والمعارف والولاية والإيمان الكامل والعمل الصالح والحركات معه والسكون فيه والأرزاق الحسيات والمعنويات وغيرها من خزائن فضله. Tu vas contempler alors ce qu'Allah a fait abonder vers toi, min al-ulum, comme science, wal-ma'arif, comme connaissance, wal-wilayah, comme sainteté, wal-iman al-kamil, comme foi parfaite, wal-amal salih, comme œuvre vertueuse, wal-harakati ma'ahu wa-sukun fihi, comme action et non-action, comme activité et passivité, activité avec lui et passivité en lui. Et ce qu'il a fait abonder vers toi et en toi, comme bienfait et comme richesse, aussi bien matérielle qu'immatérielle, sensible que concrète, ainsi que d'autres bienfaits, tout ce qu'il a fait abonder vers toi, tout cela en provenance du magasin de ses faveurs. والرحمة سبحانه وتعالى. Tout cela, وَوَهَبَهَا لَكَ تَفْضُولًا مِنْهُ. Cela est en effet un don généreux. تَفْضُولًا مِنْهُ. Comme une faveur de sa part, وَرَحْمَةً. Comme signe de sa faveur et de sa miséricorde provenant de lui. سبحانه وتعالى. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ فِي الْأَخِيرَاتِ وَالْأُولَى. Et c'est à lui qu'appartient la louange et toute la reconnaissance. فِي الْأَخِيرَاتِ وَالْأُولَى. Du début à la fin, au début et à la fin. وَتَشْهَدُ مَعَ هَذَا كُلِّهِ, et toi, tu avec tout cela, tu vas contempler une chose. أَنْتَ أَلَّاتُ مَقْبُودَةُ فِي يَدُ قُدَرَاتِهِ, que tu es un outil enserré, maintenu dans la main de sa toute-puissance.